Ce soir à l'aérospatiale, Charles-Frédéric Ouellette sur l'exposition « Investigation à vue », l'exposition « Quelques pistes dans le nulle part » de Thierry Arcand-Bossé à Espace Parenthèse et les expositions de Nathalie Bugeaud et d'Alexandre Bérubé à l'Œil de poisson. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez l'Aérospatiale, le magazine radio en arts visuels à Québec. J'entienne la France avec vous au micro ce soir. Audrey Caro a été freinée par l'état des routes. Elle va se joindre à nous via le téléphone en seconde demi-heure. Pour le moment, on va débuter l'émission en discutant avec le photographe Charles-Frédéric Ouellette à propos de l'exposition Investigation, une exposition qui se consacre aux livres photographiques auquel il a réfléchi et qui est actuellement présenté à vue. Il va y avoir d'ailleurs une rencontre du Photo Book Club à vue demain. On va en discuter lors de l'entrevue. Et donc, on va en savoir un peu plus dans quelques minutes. Pour la seconde moitié de l'émission, les chroniqueuses Suzy Dufour et Marie-Claire Tremblay viendront partager leurs impressions des expositions qui sont en cours chez Espace Parenthèse et à l'œil de poisson. Pardon. D'abord, Suzy Dufour viendra nous parler du travail de Thierry Arcand-Bossé qui est présenté du côté du Cégep de Sainte-Foy. Et ensuite, Marie-Claire Tremblay va nous livrer son appréciation des proposition de Nathalie Bugeaud et d'Alexandre Bérubé qui sont exposés du côté de Méduse. Et on va terminer l'émission comme d'habitude en faisant le tour de ce que nous réserve le monde des arts visuels à Québec avec l'agenda de la semaine. Avant de continuer, on va prendre une petite pause musicale avec la suggestion de Simon Roy qui vous propose aussi son émission Web Musique tous les dimanches soirs sur CKRL. Cette semaine à l'aérospatiale, Simon Roy nous propose The Innkeeper, donc qui est un extrait de l'album Astronaut Delta. Donc il nous a proposé cette sélection-là aujourd'hui, notamment à cause de la pochette de l'album. Donc si vous allez sur notre site web, vous pourrez suivre le lien pour découvrir un peu plus sur ce groupe. Sur la pochette, il y a un petit astronaute, tout comme le visuel de l'émission de l'aérospatiale. Donc un petit clin d'œil de la part de Simon Roy. Donc une toute nouvelle... un tout nouvel album qui vient tout juste d'être mis en ligne hier, un mélange de down tempo, instrumental, hip-hop, trip-hop. Donc on part en pause musicale et au retour, on s'entretient avec Charles-Frédéric Ouellette. Thank you. de retour en studio à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. On a avec nous en studio Charles-Frédéric Ouellette. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, Charles, tu es photographe d'auteur. Disons ça, ou on peut juste dire que j'ai une pratique documentaire. Une pratique photographique documentaire. Tu es également technicien à vue depuis plusieurs années. Mm-hmm. Ton travail a été exposé un peu partout au Québec et également en Europe, notamment en Écosse, en France. Tu as aussi publié deux livres photographiques, « Sillage » et « La quiétude des atomes ». Et on t'a invité aujourd'hui pour discuter de l'exposition Investigation qui est présentée à vue. Donc cette fois-ci, c'est pas ton travail à toi que t'exposes, mais tu participes à travailler le travail photographique d'autres photographes sous forme de livre. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette exposition-là, Investigation, qui est présentée à vue? Oui, l'exposition en fait regroupe une quinzaine de livres photographiques et deux installations photographiques aussi proposées par des photographes dans la mise en espace. C'est une exposition qui tourne autour de l'idée d'investigation, qui est quand même une marche à suivre là, assez commune là, en photographie, puis on la retrouve surtout dans le livre photographique, l'investigation comme étant un leitmotiv de création. Donc, quand on parle d'investigation, on parle évidemment du côté un peu plus enquête, policière. À prime abord, c'est ce qu'on pourrait penser. L'association qui nous vient à prime abord souvent. Oui, et puis c'est là-dessus que je suis parti. Forcément, la photographie entretient un lien assez étroit avec le livre photo depuis assez longtemps, depuis ses débuts même. Et même l'enquête judiciaire, la photographie a beaucoup servi justement les enquêtes au tout début du siècle dernier. Et puis, à partir des livres photographiques que j'avais sélectionnés, j'ai créé une espèce de déclinaison de thèmes, en fait, de trois thèmes, si on peut dire. Celui de l'investigation judiciaire, celui de l'investigation du paysage social et physique et celui de l'investigation personnelle. Tous les livres, en fait, rentrent dans ces trois catégories. Et puis, il y a une espèce de circuit à respecter un petit peu au travers de l'exposition là, pour voir ces univers-là se déployer. Donc, les trois thèmes se déploient sur trois murs de la galerie? Exactement, oui, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Parle-nous un peu de la façon dont tu as choisi les artistes, les photographes, les livres qui allaient être présentés dans l'exposition. Tout d'abord, j'ai essayé de respecter le plus possible les thèmes ou les lignes directrices que je m'étais données. Je suis amateur de livres photographiques depuis assez longtemps, donc j'ai une connaissance assez large là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et puis, en fréquentant aussi toutes les manifestations autour du livre photographique, j'ai réussi à trouver quelques projets dont j'avais jamais entendu parler, qui étaient aussi des projets qui pouvaient s'inscrire dans des pratiques parallèles d'autres ouvrages qui étaient bien connus. Mais mon idée n'était pas de faire du capital de sympathie non plus sur les grands noms de la photographie, mais essayer de trouver des gens qui pouvaient soit être des héritiers directs de ces pratiques photographiques-là ou parce qu'ils avaient assisté certains photographes, en avaient eux créé une démarche personnelle assez proche de tout ça. Et puis l'exposition s'est créée autour de ça. Donc en dessinant une espèce de filiation peut-être autour de cette méthode, parce qu'on parle de méthode un peu quand on parle d'investigation, on y va avec différentes étapes, avec une recherche qui est à la fois sociale, à la fois photographique. Oui, parce qu'il y a souvent une fonction en arrière de ces pratiques photographiques-là qui touche beaucoup plus au documentaire qu'à la photographie plasticienne, si on peut décrire ça comme ça. Alors ça reste comme des axes de recherche qui souvent empruntent les mêmes codes que ceux de l'investigation. Donc ça s'inscrit dans une tradition photographique, comme tu disais, qui date des débuts de la photographie. Exactement, oui. Au départ, la photographie est devenue très rapidement une preuve. Oui, puis l'idée, c'était de jouer autour de cette fonction-là. Qu'est-ce qui est la preuve? Comment on la détourne? À quel point on peut se l'approprier aussi? Alors, sur le côté de l'investigation judiciaire, on a tendance à respecter un petit peu plus sa fonction, alors que dans l'investigation du paysage social et physique, il y a aussi une forme de critique ou un propos qui se forme dans l'intérieur des projets qui sont présentés. Et puis, quand on continue de parcourir l'exposition et qu'on arrive à l'investigation, réalisation personnelle, on se rend compte que le photographe lui-même devient l'axe prédominant là, des pratiques. Et dans l'exposition, il n'y a pas seulement que des... Ben, il y a les livres. Les livres, ce qui est intéressant, c'est que aussi, c'est qu'on les, on peut les feuilleter. Contrairement à l'exposition Constellation, je me rappelle, il y a quelques années, où il y avait des livres qui étaient exposés, mais il y avait quelque chose de très frustrant, les retrouver comme ça derrière, derrière une bulle, alors que là, on peut les feuilleter, il y a un banc. Le livre photographique, c'est une expérience. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose de narratif, donc c'est une expérience qui est narrative. Qu'est-ce qui, selon toi, a de spécifique dans je dirais la narrativité de l'investigation photographique? Ben, peut-être pour tracer un parallèle, on est plus à l'aise avec le médium de l'exposition, alors qui est un médium qui est globalisant, donc qui nous entoure, qui est un univers dans lequel on pénètre, parce que c'est une spatialité dans laquelle on s'immerge, alors que dans le livre photo, c'est un objet qui contient un univers. Alors, c'est un objet qui doit suggérer un rythme, une séquence, un temps aussi pour passer d'une image à une autre. Ce sont des projets aussi qui se construisent avec beaucoup plus d'images souvent que les expositions. On a tendance des fois à élaguer pour laisser ressortir un effet plus immersif là, dans les... Donc on en rajoute. Oui. En effet, c'est la photographie est un langage et est une forme de communication dans le livre photographique. Souvent, les images sont prises un peu comme une forme d'abécédaire. Alors, on a recréé des phrases, des propos, des idées qu'on essaie de mettre en scène visuellement. Et je disais, ces livres photographiques-là qui sont présentés sur des petits présentoirs, à même les murs pour pouvoir les consulter. Et au travers de ces livres-là, il y a également des photographies. Donc des photographies de deux photographes, je crois, donc Louis Perrault et Donald Weber, pardon. Ce sont des livres qui se retrouvent dans les ce sont des photographies qui se retrouvent dans les livres qui sont présentés dans l'exposition ou... Tout à fait. En fait, dans les deux cas, ça a été deux propositions très différentes. Dans le cas de celle de Donald Weber, son livre était plus accessible. Le tirage était épuisé. Donc, malheureusement, souvent, par la tradition bibliophilique, les volumes prennent de la valeur. Ça devient plus difficile aussi, après, de les présenter au public, les laisser les manipuler. Alors, ils sont présentés à l'intérieur d'un petit présentoir en plexiglas. Et en parlant avec Donald Weber, on en est venu à une forme d'idée finale où on pourrait proposer des maquettes, proposer le chemin qui mène au livre final et annexer ça avec quelques images au mur pour laisser les gens une forme d'interprétation pour qu'ils comprennent un peu dans quoi on s'aventure là, avec ce type de projet-là. Tandis qu'avec Louis Perrault, la proposition était différente. Le livre était toujours accessible, donc les gens peuvent le manipuler, mais il a décidé de proposer une installation qui est complètement différente puisque les deux imposent leur rythme, l'exposition et le livre. Et puis, il y avait cette intention-là de jouer aussi sur autre chose, sur les temps de pause, les pages blanches qu'on retrouve, parce que ce sont des points qui sont très réfléchis à l'intérieur du livre et en exposition on retrouvera pas ça. Alors je pense que sa proposition c'est beaucoup déployée autour de ça. Donc deux façons différentes de proposer le même corpus photographique, une façon à même les murs et une au sein du livre photographique. Une chose qui nous frappe évidemment quand on rentre dans l'espace européen de vue pour voir cette exposition-là, c'est que la pièce est entièrement peinte de noir. Oui. Ça donne une ambiance très très intime, je dirais. J'imagine que ça fait partie de des objectifs. Sinon, pourquoi? Pourquoi toute cette noirceur? D'après ma mort, c'est pour suggérer une ambiance d'intimité. C'est aussi parce que les livres qui sont proposés, au contraire des œuvres qui sont accrochées au mur, sont des objets qui sont assez petits. Alors, ça permet de les isoler dans l'espace et puis de créer une installation un petit peu sous forme de constellation sur les murs là qui suggère la position des livres. Mais c'est principalement pour ça. Et puis, ça me permettait aussi de décaler un peu. On a toujours cette idée-là d'espace d'exposition tout en blanc. Le cube blanc. Alors, ça fait du bien des fois de changer, étant donné que c'est pas une exposition d'un artiste, mais bien de plusieurs œuvres qui sont présentées. Alors, l'aspect scénographique est des fois un peu plus important. Et dans tes recherches, quel a été l'ouvrage le plus étonnant, celui qui t'a le plus frappé, que tu as fait « Oh, j'aurais jamais cru ça » ou... Je pense que le problème se situe ailleurs, c'est que j'aurais voulu en présenter beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Malheureusement, faute de temps, d'organisation, de moyens aussi, il a fallu se limiter. Il faut avoir des idées des fois un petit peu plus concises. Oui. Je pense que c'est surtout ça qui me chagrine parce qu'il y a tellement de bons livres photos aujourd'hui accessibles. Ça aurait été intéressant de les partager avec le public ici. Donc, c'est sûr qu'une exposition, c'est en grande partie beaucoup de deuil. Donc, il faut faire des... C'est comme pour les photographies. Lorsqu'on expose des photographies, il faut également faire des deuils élagués. Donc, on a élagué ici pour le livre photographique. Et dans le cadre de cette exposition-là, il va y avoir un événement demain. C'est une rencontre avec le Photobook Club de Montréal. Donc, c'est un club photo qui se rencontre de façon mensuelle, je crois. On peut dire mensuel. En fait, des photobook clubs, il y en a dans toutes les villes du monde. Ils sont actifs depuis déjà quelques années. Il n'y a pas de personne qui chapeaute. C'est souvent des initiatives, à même la communauté photographique, ce sont des gens qui sont passionnés par le livre photo. On voit l'émergence de ces espèces de photobook clubs-là. On peut retracer ça peut-être 5 ou 7 ans déjà, là, puisqu'il y a une forme d'emphase autour du livre photo qui se crée. Puis ces clubs-là se regroupaient pour parler, partager, questionner aussi les différents enjeux du livre photo. Photographique et où ça place en ce moment là, dans l'espace de la photographie. Mm-hmm. Et donc c'est une initiative qui a suivi un mouvement international, si on veut. Oui, si on veut. Puis dans toutes les villes, on retrouve des passionnés de l'e-photo. Puis à Montréal, il y a 3 personnes en fait qui seront présentes demain pour présenter ou collaborer avec vous, puis présenter une édition du Photobook Club ici à Québec. Donc tout le monde est invité à participer, à apporter. Donc comment ça fonctionne? Souvent, ça fonctionne sous forme d'inscription. Là où il y a une suggestion, c'est qu'on demande aux gens d'apporter un livre photographique. Mm-hmm. On parle si bien d'un ouvrage qui n'est pas nécessairement une monographie ni un catalogue raisonné, un livre qui contient une œuvre. Et puis, les gens à la porte, on feuillette, on en discute, on parle des différents thèmes qui entourent ça. Alors, j'imagine que des clubs de lecture sont habitués avec la... Comme un club de lecture, voilà. Mais on lit des images. Oui, voilà. Et la rencontre va être précédée à 17h du lancement de 2 livres. Un livre intitulé « Sur la rouge » de José Schreier, et Fine des Siglos d'André Barrette. Donc, les artistes vont être là pour le lancement des livres. José Schreier est une des cofondatrices du Photobook Club de Montréal. Et André Barrette est ton collègue. Un artiste bien connu déjà à Québec. Et un photographe d'une expérience quand même assez... une carrière quand même assez, assez longue. Donc, est-ce que tu penses que ces livres-là vont faire partie de la discussion par la suite? Pourquoi pas? J'espère que certaines personnes les sélectionneront, voudront en parler. L'idée, c'est d'annexer ces 2 événements-là ensemble pour parler le plus possible de l'e-photo, parce que c'est un médium qui est parfois sous-estimé et qui, au contraire de l'exposition, reste pour toujours, lui. Tout à fait. Donc, on va prendre une petite pause audio et on va continuer à parler de ce médium-là très particulier qui est le livre photographique. Donc, on vous laisse avec un extrait de Lewis, toujours de l'artiste The Innkeepers. de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL avec le photographe Charles-Frédéric Ouellet en studio. Donc, on parle de livres photographiques. Donc, le livre photographique est un médium qui commence à avoir un engouement à l'échelle internationale pour ce médium-là. On parle d'un médium, hein? Je pense on peut dire médium, là. C'est un support en soi, mais il contient aussi l'œuvre entière, là. Oui, un peu comme l'exposition est de plus en plus considérée comme étant un médium travaillé par des commissaires. Donc, le travail du livre photographique est devenu quelque chose de plus en plus travaillé par les photographes. Enfin, on peut dire qu'il a toujours été. C'est juste qu'on vit aujourd'hui, mettons, son deuxième âge d'or. On a peut-être vécu une période charnière du livre photographique là, entre les années 50 et 70. Et puis là, aujourd'hui, on revient à ce médium-là. Tout ça est peut-être propulsé aussi par une meilleure ou une plus grande autonomie des artistes, une plus grande facilité à avoir accès à l'impression des livres photographiques. Puis ça va aussi un peu, si on veut, à l'encontre de la photographie numérique qui est présente partout sur nos écrans, qui voyage à la vitesse de la lumière, alors que là, le livre photographique est un médium dans lequel on doit prendre le temps de faire l'expérience du livre au lieu de voir des photographies défiler sur un fil de réseaux sociaux quelconque. Oui, très certainement. La photographie étant liée à la mémoire, liée à la trace, alors ou à l'empreinte, on essaie le plus possible de laisser quelque chose là, derrière ça. Alors, j'imagine que le livre photographique est une manifestation concrète là, de ces idées-là. Donc, il y a cette idée-là, comme tu disais avant la pause, du livre photographique qui reste, qui est un objet aussi qu'on peut posséder, oui, tout à fait. Qui peut faire circuler l'œuvre photographique, qu'on peut prêter, qu'on peut emprunter. Donc, il y a cette mobilité-là, mais sinon, qu'est-ce que, pour quelqu'un qui connaît pas le médium livre photographique, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme suggestion sur qu'est-ce qu'on observe quand on ouvre un livre photographique pour la première fois? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour apprécier l'œuvre? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Enfin, faut dire souvent un livre photo contient pas nécessairement de texte. Alors, je pense des fois c'est ce qui refroidit un petit peu les gens, c'est qu'ils ouvrent. Il y a pas d'explication. Ils ouvrent le document et puis ils ont pas de point de référence. C'est pas un projet qui va être nécessairement endossé par une personne qui écrit sur l'art ou par un commissaire ou par un penseur quelconque. Ça va souvent être plongé directement dans un univers photographique. Souvent, bon, on va être assujetti à autre chose que les photographies, puisqu'il y aura certainement des documents, quelque chose d'écrit. Mais ça reste le contenu souvent d'une œuvre en entier à l'intérieur d'une publication. Donc, on est loin du catalogue d'exposition, par exemple? Moins formaté, disons. C'est, ouais. C'est beaucoup plus libre dans sa forme. Donc, on voit les photographies une après l'autre, une à côté de l'autre. Oui, il y a une séquence, il y a un rythme qui est imposé souvent par la forme, par le type de reliure ou par la mise en page du livre. On travaille le livre comme on travaille une exposition. Je pense que c'est souvent un type de médium auquel les designers graphiques vont être assez sensibles, autant que les photographes ou autant que les artistes en art visuel, les artistes des arts imprimés. On pense souvent aux livres d'artistes que les gens de l'esprit au bout du milieu de la gravure vont créer. Ça se situe à peu près là, dans le même type d'œuvre. Donc, quand tu parles de rythme, donc on parle de répétition, on parle de pause. Il y a quelque chose de très poétique, hein? On va chercher un peu dans l'univers de la musique, dans l'univers de la poésie, dans la façon dont les images dialoguent les unes avec les autres. Tout à fait. Puis on pourrait même dire qu'il y a deux grandes catégories là, dans le livre photographique. Souvent, on va renoter une tendance plus scientifique et à d'autres moments, une tendance plus poétique. Dans les photos, c'est souvent comme ça, autour de ça, que les univers là, s'articulent. Donc, des univers plus près de la typologie ou des tendances comme ça, et puis des univers où il y a quelque chose d'hermétique. Ou on peut dire ça, ou des projets qui ont tendance, des fois à faire valoir certains points ou à emprunter les codes de la science, puisque la photographie est souvent assujettie à ça, et à d'autres moments à transposer, à imaginer des mondes, à nous sortir directement de la représentation du réel. C'est le point fort et le point faible, la photographie ou la force de... Oui, oui, oui, c'est le paradoxe de la photographie. Toi, Charles-Frédéric Ouellet, tu as déjà produit deux livres photos, et je crois que tu es en train de réfléchir à un livre qui va sortir éventuellement. Est-ce que tu peux nous parler de comment le fait que tu réalise tes photographies dans le but d'en faire un livre, comment ça teinte ta façon de faire les photographies? Bon, on commence souvent par la fin, hein, avec un projet. Le support du livre, moi, est quelque chose qui s'impose. Ici, on est souvent plus amené à faire des expositions. C'est comme ça que les gens consomment l'art majoritairement. Dans l'idée de moi de développer des projets photographiques, c'est difficile à expliquer pourquoi, mais je pourrais dire que le livre photo a toujours été un accord entre la forme et le fond de ma création en photographie. C'est-à-dire que j'ai une photographie qui est plus proche du documentaire, des fois qui frôle ou qui côtoie le photojournaliste. Puis il y a cette idée-là de réussir à communiquer avec tout le monde, et le livre emprunte ces codes-là aussi. Mm-hmm. C'est un outil, c'est un médium qui est reproductible, qui est accessible à un prix pour tous aussi. Mm-hmm. On rentre pas dans la sacralisation nécessairement du milieu de l'art. Alors pour moi, c'était comme un aboutissant naturel, là. Bien, merci, Charles-Frédéric Ouellet, d'être venu nous parler de l'exposition Investigation qui est présentée dans l'espace européen de vue jusqu'au 12 février, en parallèle avec l'exposition Pinel-Nicolette SQ d'Emmanuel Léonard. Également, demain, à ne pas manquer, pour les fanatiques de livres photos, il y a la rencontre du Photo Book Club, donc mercredi le 25 janvier, donc qui va être précédé du lancement à 17h de deux livres, Sur la Rouge de José Schreier et de André Barrette. Et ensuite, pour échanger autour de livres photographiques et des enjeux auxquels ils font réfléchir. Restez à l'écoute de CKRL. Au retour de la pause publicitaire, Suzy Dufour nous parle de l'exposition de Thierry Arcand-Bossé. Merci, Charles. Merci. Et je tombe folle amoureuse de lui. CKRL. Ça peut faire mal, ouais. Ouais, tu sais. Écoute, on n'en est pas là. Point CA. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org. Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Bonsoir à tous. De retour à l'aérospatiale, Gentiane La France avec vous au micro, accompagnée de Suzy Dufour. Bonsoir. Et d'Audrey Caro qui nous a rejoint au téléphone. Bonsoir Audrey. Allô les filles. Allô. Suzy, tu es allée visiter l'exposition Quelques pistes dans le nulle part présentée à Espace Parenthèse, donc une exposition de Thierry Arcambossé. Et toi aussi, Audrey, tu es allée la voir? Oui, ben je l'ai vue par les yeux de Suzy. Il faut dire qu'Audrey connaît assez bien le travail de Thierry Arcambossé, donc oui, on va pouvoir échanger là-dessus, je pense, assez facilement. Oui, Thierry qui va présenter également une autre exposition cette saison-ci à la galerie qui le représente, à la galerie La Certe. Exact, ça va être au mois de mai que ça va se passer, donc on va avoir l'opportunité de le voir deux fois plutôt qu'une pour au cours là, des prochains mois. Cette exposition-là est une exposition qui fait un peu une espèce de rétrospective, si j'ai bien compris, de son travail. Oui, c'est des pièces de différentes périodes. On a plusieurs pièces qui datent de 2012-2013. En fait, c'est une dizaine de tableaux qui sont exposés à Espace Parenthèse présentement. Et ça reprend un peu le titre, bon, quelques pistes dans le nulle part, ça reprend un peu le titre Une trail dans le nowhere qui avait été présenté à Montréal en 2012 et à Québec en 2013. Accompagné à plusieurs de ces pièces de 2012-2013, il y a quelques pièces aussi de 2014-2015. Mais en grande majorité, c'est plutôt le travail là, que Thierry faisait il y a quelques années de ça. Puis c'est intéressant parce qu'on peut voir justement le chemin qu'il a parcouru. Puis on va pouvoir voir, j'imagine, à la Galerie La Certe en mai, là où il en présentement aussi dans sa démarche. Donc, on suit sa piste. Oui, exact. Pour reprendre piste, trail. C'est assez intéressant comme exposition. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais j'ai beaucoup aimé le mélange, justement, entre les influences d'images pop, des vues plutôt familières de paysages désolés et aussi l'influence plus BD du début de la production de Thierry Arcambossé, qui va en ligner, justement, vers ce qu'il fait aujourd'hui, qui est plus des vues par exemple, des images qui reprennent un peu l'idée de Google Maps ou de web ou de cam. Webcam, c'est ce qu'on dit. Ouais, ben, c'est ça, des images glanées un peu, là, à gauche et à droite sur le web. Mais c'est ça, dans le fond, Thierry, ce que j'ai trouvé intéressant des œuvres qui étaient présentées là-bas, ben, c'est que, vraiment, ça nous montre que c'est un passionné d'images. Et puis, on le sait comment l'image aujourd'hui est omniprésente et prime à notre époque. Mais ça reste que, un peu comme quand tu discutais, Gentiane, préalablement avec Charles-Frédéric, c'est une image où il faut s'arrêter, où il faut prendre le temps de regarder, mais quand on la regarde, on est vraiment fasciné là par ce qui se passe, qui se dégage. Il y a vraiment un peu plus là qu'une simple image qu'on peut trouver sur le web. Il y a une présence là, une atmosphère vraiment particulière, moi je trouve, dans le travail de Thierry, un mystère inquiétant, l'étrange aussi. Puis même en revoyant ces œuvres là que j'avais déjà vues à gauche à droite, parfois ça me donnait des frissons aussi. Hein. Je sais pas si toi tu vis dans la façon qu'il traite ces sujets de façon, je veux dire, picturale, là, comment il les rend. Il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant et fascinant. Là. Oui, vraiment. Il y a quelque chose aussi de la science-fiction. Quand on s'éloigne de ces scènes-là qui sont assez banales, finalement, ou des scènes qu'on connaît déjà, par exemple, je pense à Apollo 11, où il a repris plusieurs images, justement, de la mission spatiale. C'est des scènes qu'on connaît, c'est des lieux avec lesquels on est familier, par exemple, la vue d'une usine, une flaque d'eau, des choses comme ça. Mais de loin, quand on regarde les teintes qui sont assez froides, généralement, on a l'impression peut-être d'un filtre cinématographique. Bref, il y a quelque chose de la science-fiction. C'est comme s'il détournait un peu cette réalité-là qui est banale vers quelque chose d'inquiétant. Les cadrages aussi vont nous poser des questions sur le point de vue où se trouve le spectateur. Puis il y a toujours une narration, comme tu disais, Audrey. Hein? On dirait qu'on est devant une histoire qu'on est censé connaître, qu'on reconnaît, qu'on voudrait connaître. Donc c'est un beau passage là, à l'espace parenthèse qu'on peut faire. C'est ça. Puis comme tu le soulignes, effectivement, quelque chose de très cinématographique, on dirait, dans son travail. Oui, par la narrativité, mais c'est une narrativité qui est pas complète. C'est toujours comme un moment dans l'histoire. On n'arrive pas au début ni à la fin, mais on est comme vraiment à un moment plus précis, si on peut dire, dans l'histoire, dans certaines de ces œuvres-là, là, si on peut dire ce qu'on nomme les tableaux scéniques là, dans le communiqué, là. Mais je pense notamment là à un tout petit, quand même un tout petit tableau qui montre un homme en bord de route avec un genre de si je sac peux dire, en papier. Un sac en papier, c'est ça, sur la tête. Il y a des pots de peinture sur le bord de la route, mais lui, il s'enfonce vers la forêt, mais c'est un peu louche, là. Oui. On regarde ça, puis on ne sait pas trop est-ce qu'il n'y a pas eu un meurtre. Qu'est-ce que ça laisse planer un doute quant à ce qui est venu avant puis ce qui est venu après aussi. Je pense également à cette, tu sais, c'est beaucoup aussi des sujets en même temps qui sont encore très d'actualité, même si ce sont des œuvres qui datent de quelques années. Je pense notamment à cet avion qui vole, qui à vrai dire même coupé, hein, qui sort du cadre. Finalement, on voit pas l'avion au complet, mais pensons à tous ces fameux détournements de vol qu'il y a eu dans les dernières années, ou ces crashs, Malaysia Airlines et autres, ou celui, je me souviens, qui s'est écrasé dans une montagne en Europe, là, vous m'excuserez, mais mes faits historiques sont un petit peu dans les en panne, là, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, c'est aussi très l'actualité encore là, puis c'est ça, quand je dis que ça vient nous chercher, que ça... Comment dire, que ça vient évoquer là le mystère, l'étrange, ou nous donner même un frisson aussi un peu dans le dos, là. C'est assez particulier tout ce que cette espèce de narrativité-là engendre aussi en nous. On sent que c'est assez réfléchi comme image aussi, le choix de l'image, comme tu dis, le cadrage. C'est vraiment intéressant. Il y a un discours derrière tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un discours, ou en tout cas des questionnements à se poser. Puis je pense aussi que la technique qu'emploie Thierry Arcand-Bossé, qui est très qui tient du virtuose, là, c'est du figuratif bien entendu, mais quand il va imiter, par exemple, un flash de lumière dans la lentille qui rappelle la photographie ou le cinéma, ben on y croit. Donc, il y a quelque chose aussi là-dedans d'immersion qui est assez intéressante là, pour le spectateur, je pense. Oui, exactement. Donc, c'est ça, faut prendre le temps de regarder, d'analyser, mais en même temps, on est happé par ces images attirées, là, je trouve. Là. Puis, comme je dis, c'est vraiment... très, très réfléchi, puis même des fois, ça laisse planer un certain doute à savoir, tu sais, comme par hasard, par exemple, ce que tu parlais, celui-là avec Apollo, la mission d'Apollo, ça remet quasiment en doute un peu les faits ou la véracité de cette scène-là qui se passe. En tout cas, il y a toujours un mystère, un doute qui plane aussi au-dessus de ces œuvres-là, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Oui. Puis peut-être indiquer aussi aux gens, parce que ce jeudi, il va y avoir le vernissage de l'exposition, hein, aussi, qui est ouverte à tout le monde à compter de 17h30. Peut-être juste expliquer aux gens, vu que ça fait partie du cégep de Sainte-Foy, où exactement ça se trouve, par où on rentre. Oui, bonne idée. C'est à l'entrée de la margelle du cégep Sainte-Foy. Donc, l'entrée principale, vous continuez tout droit, vous allez voir, en fait, c'est le hall de la bibliothèque du cégep de Sainte-Foy qui est investi, là, qui est l'espace parenthèse, la galerie. Donc, c'est en présence de l'artiste, ce vernissage. Sinon, l'exposition se déroule jusqu'au 5 février. Il faut expliquer aussi qu'il y a des heures particulières d'ouverture, étant donné que l'ouverture concorde avec l'ouverture de la bibliothèque du cégep. Donc, c'est ouvert en semaine jusqu'à 21h le soir et jusqu'à 18h le vendredi. Donc, la fin de semaine, c'est congé, mais vous pouvez vous y rendre là, après le travail, peut-être, contrairement à toutes les autres galeries de la ville de Québec. Donc, c'est des ouvertures complémentaires avec, avec les autres lieux de diffusion de la ville de Québec. Merci, Suzy, puis merci, Audrey, pour cette belle chronique autour du travail de Thierry Arcand-Bossé, qui est présenté à Espace Parenthèse. On va prendre une courte pause audio et de l'autre côté, on s'entretient avec Marie-Claire Tremblay à propos des expositions qui sont présentées à l'œil de poisson. Bonsoir Marie-Claire Tremblay. Bonsoir. Ça va bien? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va bien. Audrey Caro, es-tu toujours au bout du fil? Bien sûr, toujours là. Donc, Marie-Claire, on t'a mandaté, en fait, t'as choisi de nous parler des expositions qui ont cours à l'œil de poisson. Et tu me disais qu'il y avait une activité ad hoc qui est organisée dans le cadre de ces expositions-là. Bien, en fait, qui vient juste d'être annoncée hier, qui est un petit clin d'œil au travail de Nathalie Bugeaud, en fait. Donc, et ça s'adresse aux jeunes, aux enfants. Ça va être samedi, le 4 février, de 10h à midi. Allez voir sur le Facebook de l'œil de poisson. C'est une activité qui s'appelle « Boucler la boucle ». Ben c'est ça. En fait, ils utilisent la patate pour imprimer. On découpe une demi-patate pour faire des impressions. Exactement. Puis clin d'œil à une œuvre de Nathalie qui est pas en ce moment présentée à l'œil de poisson, mais disons qu'il fait partie de son travail puis des œuvres mémorables. Donc on va en reparler la semaine prochaine lors de l'agenda artistique. Oui. Mais pour ce qui est de l'exposition de Nathalie Bugeaud justement, donc c'est une exposition qui occupe la galerie de l'œil de poisson, la grande galerie de l'œil de poisson d'une façon quand même assez magistrale. Ben oui, en fait c'est une énorme projection vidéo. Puis ça aussi, c'est chouette, hein, parce qu'on est toujours un peu surpris quand on va à l'œil. Souvent, on a des œuvres sculpturales et là, oups, on est vraiment complètement dans la vidéo. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Donc, quelque chose de monumental. C'est une installation, bien, c'est une œuvre, en fait, qui est créée par une collaboration avec le quatuor Bozzini et le compositeur Taylor Brook. Donc, ça a été créé, ça, pour un concert qui se nommait Musique de chambre, entre parenthèses, noire, qui a été présentée à la Cinémathèque québécoise en 2015, en fait. Donc, une œuvre qui a déjà été présentée. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu sur le web à propos de Nathalie Bugeaud, vous allez trouver aussi cette œuvre-là qui est présentée sur Vimeo. N'allez pas regarder la vidéo sur Vimeo. Venez à l'œil de poisson. L'expérience là est extraordinaire parce que c'est monumental. Oui, oui, oui. Ben moi, je vais te laisser en parler, mais j'ai eu des frissons moi. Oui. Ben c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais vraiment captivée par ce travail là en fait, qui s'intéresse vraiment aux musiciens. À la musicienne, donc c'est les figures qu'on retrouve dans la projection, mais ma foi, transformées, démultipliées. Ça devient des motifs. Ça devient des motifs complètement. Est-ce qu'on est devant un tissu, devant une tapisserie? On perd complètement nos repères aussi devant ce travail-là. Et il y a un travail du son aussi qui est hallucinant, qui est vraiment relié à l'image qu'on voit. Donc c'est le son provient directement des images qui sont utilisées dans la projection. Et on va si vous prenez le temps. Vraiment, si vous êtes happé comme moi, on prend le temps de regarder le motif et on se rend compte un peu de ce système-là, du principe. C'est vraiment le canon, en fait. Donc, chaque image est un petit peu décalée par rapport à la précédente. Et c'est ce qu'on entend aussi dans nos oreilles. Donc, vraiment, un ensemble tout à fait fascinant, étourdissant. Puis moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans le travail, je ne sais pas toi, Audrey, mais... c'est que c'est fait par plusieurs tableaux, donc plusieurs séquences, et on ne se fatigue jamais. On en veut toujours plus. Chaque tableau est différent et va, on dirait, encore plus loin que le précédent. Donc, vraiment, un habile travail de la vidéo de la part de Nathalie Bugeaud. Les séquences également qui sont comme ponctuées par des gros plans d'archets. Et là, ce n'est plus le motif, c'est vraiment l'archet qu'on voit apparaître. Puis moi, je sentais beaucoup, ce petit côté peut-être un peu batailleur de l'archet, les archets qui se chamaillent entre eux. On peut même voir quelque chose d'un peu anthropomorphique. Oui. La rencontre, en fait, de ces archets-là, comme on voit la rencontre des musiciens, justement, dans l'œuvre. Oui, des différentes musiques qui se rencontrent pour... Tout à fait. C'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... ce qui m'a fascinée beaucoup aussi, c'est la fluidité. du mouvement dans certains de ces tableaux, hein, parce qu'il faut dire ça s'appelle étude au pluriel vidéographique pour être souvent à corps, ben c'est ça aussi, c'est que c'est plusieurs petits tableaux, mais il y a une fluidité qui est différente à chaque tableau, aussi qui est propre à chaque tableau, puis qui fait que à un moment donné, ça, on parlait de motifs, on parle de tissage, ben la démultiplication finalement vient par le fait, même si c'est un écran immense, on vient qu'à voir disparaître la figure humaine au profit de ce motif-là. Puis, comme on disait aussi, il y a un rythme aussi qui est très, très intéressant, qui est donné aussi à chaque tableau, un rythme propre. Et puis, je me rappelle, Marie-Claire, on s'est croisés ce dimanche. Puis, on parlait aussi comment ça nous évoquait le travail d'Annie Baillargeon aussi en photo, qui serait mis en mouvement. Là, moi, je pense notamment à son travail, soit sauvegarde ou sauvetage des œuvres de 2009, où finalement, ce ne sont que des parties de bras ou qui forment des motifs. Mais là, ici, c'est ça, on vient qu'à oublier littéralement la présence du musicien qui devient mouvement, rythme, élément esthétique. Oui, puis on voit autre chose aussi. Moi, j'ai vu des petits poissons qui se promènent. J'ai vu la surface de la mer. C'est ça que j'allais dire. Dépendamment à quel moment vous entrez dans la salle, moi, pendant le vernissage, je suis entrée au moment où on avait les musiciennes, en fait, qui étaient de très petit format, mais vraiment démultipliées avec des ondulations. Et donc, ils faisaient penser, bon, peut-être un rideau de scène, justement, comme tu dis, aux vagues et tout ça. Mm-hmm. Et je percevais pas du tout la musicienne. L'artiste justement joue avec cette frontière-là, cette tension-là, et transforme le musicien en motif aussi là. Donc fort agréable pour les yeux. Oui, vraiment. Puis petit conseil, n'allez pas là, allez là à jeun. Oui. S'il vous plaît, parce que si vous avez pris un petit verre, vous allez peut-être être un peu buzzé. Oui. Ben, il y a un parallèle à faire, tu sais, ce côté hallucinant-là. Un peu psychédélique. Oui, là, quelque vraiment. Chose la démultiplication. Démultiplication, pardon, des motifs fait penser justement à ces motifs psychédéliques qui étaient très à la mode dans les années 70, qui accompagnaient les différents trips de drogue très à la mode également à l'époque. Même à jeun, l'œuvre nous fait ressentir des choses. Hein. Moi, j'ai eu des frissons, ça me chatouillait. Il y a vraiment des le mouvement, toutes ces sons. Donc l'ensemble de ces motifs là fait qu'on a des petits frissons à un moment donné. Là, on peut pas se retenir. C'est vrai. Ouais, on vit quelque chose vraiment devant cette œuvre là. Ouais. Oui. Et quelques mots sur la proposition d'Alexandre Bérubé. On s'est étendu sur la proposition de Nathalie Bugeaud. Donc, dans la petite galerie de l'œil de poisson, c'est Alexandre Bérubé qui est récipiendaire de Tomber dans l'œil, je crois. Oui, tout à fait, Tomber dans l'œil l'année passée. Donc, c'est un finissant de l'École des arts visuels. En ce moment, il est à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Et donc, le titre de son exposition, c'est « Fire Retardant Theater, limite à la présentation d'une table de travail », en parenthèse, sans chaise. Et donc, effectivement, c'est un exercice vraiment sur la table. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas, que l'originalité de cette démarche-là vient peut-être un petit peu de son sujet en apparence banal. Très anodin, hein? Au départ. Oui. Table de travail. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça m'a poussé justement à réfléchir sur cette table de travail-là et sur la manière dont Alexandre Bérubé la voit. Hein, clairement, il y a un attachement à la table de travail. C'est un artiste, il doit passer beaucoup de temps justement autour de sa table. Et c'est un travail quand même assez formel, expérimentation de matériaux. Mais on sent qu'il y a une remise en question ou il y a une recherche peut-être de définition de cette table-là. Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Quel matériau est-ce qu'on utilise pour est-ce que si c'est une table complètement transparente, c'est encore une table? Donc, on est dans le monde des idées. Oui, vraiment. La réflexion philosophique. Tout à fait. Tout à fait. Ça reste très conceptuel comme proposition aussi, là, oui. Oui, oui, formel, mais encore plus très, très conceptuel. Mm. Oui, puis moi, je pouvais pas m'empêcher aussi d'y voir, c'est peut-être à cause de ma formation en histoire de l'art, d'y voir un questionnement aussi sur la nature même de l'art. Tu sais, il y a quand même la présence de deux objets, de deux tables dans cette exposition-là. Ben, clin d'œil peut-être au ready-made de Marcel Duchamp. Donc, oui. je voyais un petit peu ça. Puis, mais quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, les filles, présence quand même de corps. En tout cas, oui. Moi, il y a certaines formes qui évoquaient l'humain là, dans ce travail-là. Oui. Oh, oui. Oui, puis il y avait même un vêtement qui était suspendu, une genre de grand t-shirt slash robe, là, si exact. On peut dire, mais qui était au motif Tunique. Imprimé de la table, là, comme le dessus de cette table-là, laminée, là, qu'on retrouve, le faux bois. Là. Donc, une fusion entre le corps, la table. Une filiation. Peut-être qu'on parle du travail d'équipe, je sais pas. Le quotidien d'un artiste aussi, c'est ça, à l'école, dans l'atelier. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est dans l'univers, en tout cas, de l'artiste. Puis le corps chez Alexandre Mérubé aussi, le corps du spectateur est toujours aussi important, cette relation-là, en tant que spectateur versus l'œuvre qui est présentée. On est beaucoup en rapport avec ça aussi dans son travail. Oui, donc il provoque des déplacements, on se penche, oui. on lève la tête, on regarde en dessous, on regarde au-dessus. Les expositions d'Alexandre Bérubé et de Nathalie Bugeaud sont encore à voir dans les galeries de l'Œil de Poisson jusqu'au 12 février. Merci beaucoup, Marie-Claire, d'être venue nous en parler en studio. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous, les filles. Et on prend une courte pause audio et au retour de la pause, on vous présente l'agenda de la semaine. Alors, c'était un extrait du titre Astro Melody du groupe The Innkeepers. Rebonsoir, Audrey. Oui, toujours là. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde des arts visuels? Eh bien, il y a une activité qui se passe tout juste dans une heure, à ne pas manquer, une conférence de l'artiste français Christian Botanski au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est à 19h30 qu'il va venir nous entretenir, notamment sur, oui, son parcours marquant, il faut dire. Hein, c'est un artiste de réputation internationale. Oui, c'est intriguant. Exact. Et puis, il va venir nous parler aussi notamment du deuxième volet de son projet Animitas qui va être produit spécialement pour l'exposition centrale de la Manif d'art, là, la huitième édition de la Manif d'art. Donc, c'est à ne pas manquer ce soir au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est 10$ en entrée ou sinon 6$ pour les étudiants ou les membres du musée. Et mercredi, il y a aussi le Photobook Club, hein, qu'il faut pas oublier, dont oui. On a parlé tout à l'heure, à compter de 17h, donc le lancement des livres, mais aussi cette rencontre avec le Photobook Club. Et comme on disait, jeudi, c'est le vernissage de Thierry Arcambossé. Exactement, à espace parenthèse. De 17h30 et sinon vendredi, il faut pas manquer le vernissage de l'exposition Boua Boua Bou de Dan Gros à la Galerie 3, donc dès 17h30. C'est bon, alors c'est un rendez-vous vendredi. Merci beaucoup Audrey de t'être joint à nous au téléphone. Ben merci à vous autres de m'avoir accueilli Bonne fin de soirée. OK, bye. Donc c'est ainsi que s'achève cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez aller rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web. web. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Un grand merci à notre invité Charles-Frédéric Ouellette et à nos chroniqueuses Suzy Dufour et Marie-Claire Tremblay. Merci à Jacques Gignac, notre magicien des ondes. Merci à Audrey, je te remercie encore. Revenez-nous mardi prochain. Nous recevons notamment Ariane Plante pour le Mois Multi et en chronique Annie-Charlotte Thibodeau à propos de l'expo au Centre Materia. Demeurez à l'écoute de CKRL car Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour parler cinéma à l'émission Situation Critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1. Présentement, à l'affiche au cinéma Le Clap, La La Land, Lion, Votez Bougon et Le Fils de Jean. En janvier, voyez aussi Père Fils Thérapie dès le 6 janvier, Le Jour des Patriotes dès le 13 janvier, Nelly dès le 20 janvier et Julietta dès le 27 janvier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! Le 27 janvier, CKRL fête les 10 ans de la ligne Quasi-Saint-Jean en grand. Pour l'occasion, l'émission Bière et Culture vous donne rendez-vous pour 2 heures de dégustation de produits québécois avec Grouvière-Dvark et Raton Lover. Raton Lover nous dévoilera également en primeur quelques extraits de leur nouvel album Le Sens du Vent. Soyez à la ligne Quasi-Saint-Jean au 811 rue Saint-Jean ou à l'écoute de CKRL pour Bière et Culture le vendredi 27 janvier de 18h à 20h. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai voulu être peintre. À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle, artiste exceptionnel, François Sullivan ouvre les portes de son atelier lumineux. Je considérais la peinture comme la forme d'art la plus importante. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Je me sens vraiment bien. Lafabriqueculturelle.tv. J'ai de l'espace. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? CKRL double le nombre de diffusions de votre promotion à la signature de votre contrat. C'est facile. Signez et doublez. Contactez notre département des ventes au 418-640-2575-209 pour connaître toutes les options qui vous sont offertes. Cette offre prend fin le vendredi.